on va avancer. Ça va comme ça, c'est ce que vous attendez? Oui, c'est bon. Donc ça, c'est le cinématographe numéro 1. C'est celui qui a fait la première projection dans l'histoire du monde. Donc devant ces fameux 33 spectateurs, qui ont été les 33 curieux, qui ont acheté un franc à l'époque, leur place, pour venir voir quelque chose, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. Et donc, ils ont vu 10 films Lumière, qui ont été cette fameuse première projection, celle du 28 décembre 1895 à Paris. Un témoignage précieux de la vie bourgeoise, c'est-à-dire.